Son refrain sauvage pour l'étrangère au teint de fleurs. Chaque phrase de sa complainte évoque un serment d'une étreinte, et parfois dans le noir, il croit la percevoir, ce n'est qu'un mirage du soir. Écoutez le refrain sauvage que chante à la tombée du jour, là-bas dans un lointain rivage, un pauvre cœur brisé d'âme.